Et dans cet espace de non-droit, on n'y allait pas parce que c'était dangereux, parce qu'on risquait sa vie, le passage dans une forêt était réellement dangereux. Et il arrivait que dans certaines de ces forêts, des événements se passaient. Alors je vais en citer deux que vous allez reconnaître très vite. Il y avait même dans ces forêts deux frères un jour qui étaient si sauvages qu'ils avaient été même élevés à la mamelle d'une louve, c'est vous dire à quel point ils étaient sauvages, et qui peu à peu sont devenus les fondateurs de quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de Rome, hein, Romulus. Mais ce mythe est repris sans arrêt. Tout d'un coup, on s'aperçoit que dans un bois, tous ces brigands s'habillent en vert. Ça vous rappelle rien ? S'habillent en vert et qu'ils ont à leur tête quelqu'un qu'on appelle Robin des Bois. Et avez-vous remarqué qu'est-ce que ça veut dire Robin des Bois ? Je vous parie que vous ne savez pas ce que ça veut dire Robin des Bois. Robin, ça veut dire celui qui porte la robe, c'est-à-dire la robe de magistrat. Et des bois, ça veut dire qui fonctionne dans un lieu de non-droit. Et Robin des Bois, ça veut dire celui qui tient le droit dans le lieu de non-droit. Et par conséquent, qu'est-ce que le droit là ? Qu'est-ce que les histoires que je viens de vous raconter ? C'est comment un droit naît à l'intérieur d'un espace nouveau qui est un espace de non-droit. Et par conséquent, je suis prêt à parier que sur le web ou sur ces choses-là, peu à peu, on ne pourra jamais appliquer le droit extérieur à cet espace-là, mais qu'il naîtra de l'intérieur de cet espace de non-droit un nouveau droit original et qui sera la règle de cet espace de non-droit. Alors cet espace, c'est un nouvel espace dans lequel nous vivons et nous avons suffisamment dans la philosophie, dans l'histoire, dans les mythologies, d'histoires qui relatent ce qui s'est passé jadis ou quelquefois dans des espaces tels qu'il n'y avait pas de droit et que peu à peu le droit s'est constitué à partir d'une situation relativement sauvage, chaotique et désordonnée. Voilà en gros ce qui me paraît nouveau, nouvel espace et constitution probablement d'un nouveau droit. Mais je ne peux dire que c'est nouveau que parce que je peux comparer l'état actuel à ce que je pouvais voir jadis concernant l'espace, concernant le droit, concernant les pouvoirs et ainsi de suite. Ça, c'est le côté, disons... ça, c'est le côté, disons, spatial de la nouveauté dont je voulais parler.